Chapitre 6e. Claire avait attendu avec anxiété le retour de la Bretonne. L'imprudence de son action ne lui était pas encore apparue. Plus expérimentée, elle eût confié à la poste, ou à un commissionnaire quelconque, pris dans un autre quartier, le renvoi du porte-carte à son possesseur. Déléguer sa propre servante, c'était courir le risque de mettre Nist sur sa voie, lui donner une chance de s'approcher d'elle, nouer entre eux un fil conducteur qu'il ne laisserait probablement pas rompre. Mais cela ne lui fut révélé que lorsque la petite bonne, avec un air de jocrisse parfaitement simulé, lui tendit la lettre. Claire, surprise et bouleversée, la lui prit, la lui arracha presque. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» En balbutiant ces mots, elle devint rouge comme le feu. « C'est un écrit que le monsieur m'a donné après que je lui eus remis son paquet. Mais il n'y avait pas de réponse. » Il m'a protesté qu'il y en avait une. Je voulais point, mais il a voulu faire une réponse tout de même. Claire s'enfuit dans sa chambre. Elle était hors d'elle. Ce saisissement, où l'effroi, la curiosité et un bonheur aigu et inexplicable l'étreignaient, fut trop brusque. De rose pourpre, elle devint blanche et dut s'asseoir, les jarrets coupés. La lettre de Nist, qu'elle ouvrit à main tremblante, l'attendrit et l'épouvanta. Il l'aimait. Ainsi, il l'aimait. L'absurdité et l'audace de son coup de tête, le porte-carte glissé en fraude, il l'avouait pour une folie. Mais cette folie, tout en la déplorant, il déclarait qu'elle lui avait porté bonheur et qu'il était trop heureux, puisqu'au lieu d'un froid dédain qui eût jeté à l'oubli ce pauvre carnet intime, Claire, en le lui renvoyant, voulait bien lui infliger le blâme d'une digne et spirituelle leçon. S'il l'avait blessée sans le vouloir, il implorait son pardon. Elle lui était bien trop chère et sacrée pour qu'il voulût lui manquer de respect. En lui apparaissant, dans un âme de grâce et de mélancolie, elle avait, par son regard suave et profond, surpris et emporté son cœur. Il mettait l'offre de la servir et sa vie même à ses pieds. Sans doute, il était insensé à lui d'écrire ces choses, mais son amour ne raisonnait pas. Il parlait aussi de sympathie mystérieuse, d'une rencontre à point nommé de leurs âmes. D'ailleurs, sa passion n'était point d'hier. Depuis des semaines, Claire, rencontrée dans la rue, l'avait frappée. Il avait osé la suivre de loin et savoir ainsi où elle demeurait. Si elle ne l'avait jamais remarqué, c'était à cause de sa discrétion timide et respectueuse. Mais hier, enfin, il n'avait su se maîtriser. Cet innocent mensonge, jugeait-il, donnerait meilleure couleur à sa déclaration. Elle continuait sur ce ton, avec tout le jargon amoureux d'un garçon bien-né qui a du style, sincère d'ailleurs, et d'un feu de conviction qui brûle à Claire au vif. Jamais on ne lui avait parlé ainsi. Elle n'avait pas lu de roman. Elle offrait à l'amour un cœur tout neuf. Les protestations de Nist lui procurèrent une ivresse délicieuse. Ainsi, elle ne s'était pas trompée. Il était bon, tendre, noble d'esprit. Pour la première fois, l'idée qu'elle était libre et maîtresse d'elle-même la frappa d'évidence. Jusqu'à présent, elle s'était sentie esclave et emprisonnée sous la férule de Madame Gerbeau. 10 fois, elle relut cette lettre, buvant à satiété le poison fluide qu'elle contenait. Même la fin, où il la suppliait de lui accorder un rendez-vous, de lui écrire un mot, de lui marquer seulement d'un signe qu'elle ne le repoussait pas, ne l'effaroucha pas trop, lui fit courir seulement dans le dos un frisson de crainte et d'émotion attirante. Rassurée momentanément sur les sentiments de Nist, elle songea moins à s'inquiéter de l'interprétation, sans doute équivoque, que la servante tirerait de la double commission qu'on lui avait fait remplir. Si même elle eût osé, elle eût interrogé cette fille. Une pudeur l'en empêcha. Cependant, Madame Gerbeau ne rentrait toujours pas. Son amie avait dû la retenir. À 2h30 seulement, Claire se mit à table, toucha à peine au plat. Une sorte de vie somnambulique s'était emparée d'elle. Par instant, elle se demandait si elle ne rêvait pas. De songer que Nist l'aimait, son cœur devenait léger comme un oiseau. Puis elle craignait que ce ne fût un mensonge, une raillerie cruelle, ou bien le mirage d'un sommeil dont elle allait se réveiller. Alors la lourdeur d'un cauchemar oppressait sa poitrine. Mais la lettre était toujours là, rassurante, dans son corsage, et elle se retenait pour ne pas la lire encore. À 4 heures, 5 heures, point de Madame Gerbaud. Une inquiétude soudaine la pénétra. Si un accident était arrivé à sa belle-mère, la scène du bain se représenta à elle avec une acuité cruelle. Peut-être Madame Gerbaud, malade de colère et d'émotion, souffrant aussi de son pouce meurtri, restait-elle chez son amie, retenue par une crise de nerfs. Claire se jugea bien méchante. Comment avait-elle pu la mordre, oui, la mordre au sang comme une bête enragée? À l'idée que cela lui était arrivé à elle, à cette petite femme blonde et frêle qu'elle apercevait dans une glace, elle eut à la fois envie de rire et de pleurer. À 6 heures, elle n'y tint plus, et moitié remords, moitié curiosité aiguë et besoin de savoir, pour échapper aux idées bizarres et un peu folles qui lui venaient, par exemple que Madame Gerbaud avait été se plaindre à la police et qu'on allait venir la prendre et la conduire en prison, ou bien que sa belle-mère allait lui intimer l'ordre de déguerpir et la jeter à la rue. Claire mit fiévreusement son chapeau et descendit dans la rue, se dirigeant au plus court vers la maison de Madame Saint-Doux, rue Saint-Jacques. Pour cela, il lui fallait traverser le Luxembourg. Elle n'y fut pas plus tôt entrée qu'elle vit venir à elle Nist. Il guettait une sortie ou une apparition depuis 2 heures, l'espoir et une attente un peu anxieuse l'ayant ramenée à son poste d'observation. Il s'avança vivement. Claire fit un mouvement de fuite, ses yeux virèrent éperdus, mais elle ne pouvait éviter le jeune homme. Déjà, il était là, devant elle, incliné très bas, tête nue. Il la suppliait d'excuser cette nouvelle incorrection, s'il se présentait ainsi, mais les circonstances et son inquiétude l'y contraignaient. Il s'était recouvert avec aisance, et interdite, et ne sachant que devenir, elle s'étonnait pourtant de sentir qu'il la tenait captive sous son regard, et elle ne comprenait pas qu'elle pût marcher à ses côtés, comme si elle le connaissait depuis longtemps déjà. Les mots qu'il lui disait lui arrivaient comme en songe, elle en était bercée, sans en comprendre toujours le sens, bien qu'il lui répétât à satiété qu'il l'aimait humblement, tendrement, fervemment. Autour d'elle, une vie joyeuse d'enfants s'ébattait. Des jeunes mères assises surveillaient ce petit peuple gai. Des rires frais s'échappaient de l'enceinte du guignol. Un soleil oblique baignait le tronc des arbres, dont les feuilles d'émeraude humide et neuve palpitaient doucement. Un poudroiement clair faisait danser 1000 atomes légers dans le jour vert des avenues, et tout revêtait pour elle un sens nouveau et mystérieux. Elle allait comme au cœur d'une féerie ou d'un rêve, si émue, si heureuse et si lasse à la fois, qu'elle éprouvait une envie étrange de soupirer et de s'abandonner aux larmes, dans une détresse suave et infinie où elle défaillait. Tant l'écrasait le poids de ce bonheur qu'elle ne soupçonnait pas, aimer, être aimée. Se pouvait-il? Cet homme, inconnu la veille, elle souffrait sa présence, bien plus. L'angoisse de le savoir là, près d'elle, contre elle, lui était chère. Elle reconnaissait en lui le sauveur espéré, et si elle devait se perdre, avec lui ce serait doux. Comment cela se fit-il? Par quel sortilège magique et par quel oubli incroyable de la vie ambiante et immédiate? Fût-ce lui qui sut lui arracher l'aveu de ses souffrances passées et présentes? Fût-ce elle qui, dans un irrésistible élan de confiance, parla? Que se passa-t-il en eux d'absolu, d'impérieux, qui les arracha aux préoccupations mesquines du qu'en dira-t-on et au respect des préjugés? Quelle sève de jeunesse romanesque éternelle leur monta du cœur aux lèvres? Comment eut lieu cette chose inouïe? Qu'ils sentirent que rien n'avait plus de prix, ni force, ni raisonnement, ni autorité morale, auprès de l'invincible désir qu'ils se portaient de vivre l'un pour l'autre, d'être et rester l'un à l'autre. Que ce fût Nist qui, par persuasion ardente, l'emporta, que ce fût faiblesse et inconscience de Claire, pour une fois, la jeunesse, la poésie et l'amour triomphèrent de la raison sénile, de la réalité et de la prose. Ils échangèrent les paroles qui ne s'oublient pas, et lorsque, très tard, au crépuscule disparu, après un entretien de plusieurs heures où ils s'étaient livrés leur âme sans se lasser, Claire rentra chez elle, elle aimait Nist pour toujours. Dès lors, leur bonheur ne devait plus être qu'une question de forme et de temps. Il subit force traverses. Madame Gerbault, la mère, fit tout pour le rompre, indignée et navrée que Claire pût tromper la mémoire de son premier mari et s'attacher à un autre homme. Elle ne voulut jamais croire à l'innocence de sa bru, ni que le hasard avait tout fait dans cette aventure, et elle calomnia Nist autant qu'elle put. La confiance de Claire en fut même un moment ébranlée, et sur ces entrefaites elle tomba malade. Quand elle fut rétablie, Nist, pour l'arracher à la fatale influence de sa belle-mère, fut forcée de l'enlever. Ils n'attendirent point que la société et la morale sanctionnassent leur union, et osèrent être heureux sans trop de scrupules. D'ailleurs, étant honnête, il l'épousa presque aussitôt. Claire s'était montrée une charmante femme d'intérieur, un peu trop nerveuse seulement. C'est un souvenir des mauvais jours. Mais elle adore son mari. Et elle conserve précieusement, au fond d'un secrétaire, un vieux petit porte-carte déchiré, où le portrait de Nist sourit, le nez est cassé et une tache sur l'œil. Madame Gerbault, ne pouvant supporter l'isolement et l'idée de n'avoir personne à tyranniser, prit avec elle Madame Saindoux. Mais celle-ci offrait plus de résistance que Claire. Et depuis qu'elles ont associé leurs humeurs querelleuses, les deux vieilles femmes se martyrisent, tour à tour victimes, tour à tour bourreaux. Ainsi s'achève le porte-carte de Paul Marguerite.